نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الخامس في دراسة رسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا؟ ويحكم أفيقوا يا شباب. Cinquième cours autour de cette risala du Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Avec quelles raisons et donc quelles religions les attentats et les destructions font partie du combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal? Réveillez-vous, jeunes. وقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاث، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. سيد نسيت أن ندخل حديث دو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم دي sortira du feu de l'enfer un coup du feu un coup sortira du feu de feu sortira du feu de l'enfer et il dit: aujourd'hui j'ai la fonction de m'occuper de trois personnes, un oppresseur obstiné et celui qui a fait un associé à Allah Azza wa Jal, et celui qui a tué sans juste cause un être humain, et celui qui a tué sans juste cause un être humain. Et ce coup se tourna sur ces personnes et les jette dans Jahannam. Et le coup entoure ces personnes et se tourne autour d'eux et les jette au feu de l'enfer. وأما قتل المؤمن خطأ فقد أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الدية والكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الله وكان الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Quant au fait de tuer un croyant par erreur, sans le vouloir, Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire une compensation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette traduction approximative du sens: quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Jusqu'à au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah, Allah est omniscient et sage. Wa fataha al-shaykh huna faqratan qala fiha ma ja'a fi qatl al-mu'ahad 'amdan wa khata'an. Et voici un nouveau paragraphe, le dernier paragraphe de la risala d'El Cheikh. Il dit: les textes qui sont là, pour l'interdiction, les textes qui prouvent qu'il est interdit de tuer quelqu'un à mu'ahad, que ce soit en voulant le tuer ou là par erreur, il est interdit de le tuer. Les mu'ahad sont les non-musulmans qui sont rentrés dans des pays de l'islam, qui ont des engagements avec les pays de l'islam. Qatl al-zimmi wal-mu'ahad wal-musta'man haram وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، وأورده في كتاب الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ولفظه من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ في الفتح كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. Le fait de tuer un non-musulman protégé qui se trouve sous la protection du musulman, ou un non-musulman qui a des engagements avec les musulmans, ou quelqu'un qui est rentré dans un pays de l'islam avec et le gouverneur et un musulman l'a pris sous sa tutelle, ils lui ont donné la sécurité, il y a des avertissements. Le fait de les tuer, il y a un grand avertissement dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Le Bukhari nous rapporte qu'Abdullah ibn Omar a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue quelqu'un qui est sous la tutelle du musulman, celle qui est rentré avec engagement dans un pays de l'islam, il ne goûtera pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et que l'odeur du paradis est de telle distance, il a donné la distance de 40 ans. Vous voyez là, hein, c'est, on va dire qu'il est loin. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari, hein, dont l'imam Bukhari l'a pris comme titre dans plusieurs passages. Et il a pris un passage notamment dans Kitab al-Jizya, dans le livre d'Al-Jizya, chapitre, le péché de celui qui a tué quelqu'un qui, avec qui on a un engagement. Sans crime, sans justice. A tué juste comme ça. Sans que celui-là ait fait quelque chose pour qu'il soit exécuté. Ou qu'il soit assassiné. Et il l'a rapporté dans le livre d'Al-Diyat aussi, chapitre, et les péchés, hein, de tuer quelqu'un qui est sous la protection, sans justice. C'est un crime. Hein. Et ainsi il a fait dans plusieurs chapitres. Et ce qu'il voulut, l'Hafid, rahmatullah alayh, ce qu'il voulait avec le terme Ahd, c'est celui qui a un pacte, qui a une convention avec les musulmans. Hein? Soit qu'un pays il a un pacte avec de paix entre gouverneurs, etc. Soit tout simplement quelqu'un qui vit dans un pays de l'islam, il est sous la tutelle de ce gouverneur, il est protégé par ce gouverneur. Soit tout simplement un musulman qui prend chez lui un non-musulman, il le prend sous sa tutelle, la même chose. ورواه النسائي بلفظ من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ورواه أيضا بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وزاد النسائي أن يشم ريحها. النسائي nous rapporte avec une expression celui qui tue quelqu'un qui est sous la protection, parmi ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont sous la protection, sous la tutelle du musulman, il ne trouvera pas l'odeur du paradis. Et que l'odeur du paradis est loin de lui de 40 ans. 40 ans de distance entre lui et l'odeur du paradis. Et il l'a rapporté aussi avec une chaîne une chaîne authentique d'un autre homme qui est un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui tue quelqu'un qui est sous la tutelle, ce dhimma, il ne trouvera pas l'odeur du paradis. Et que l'odeur du paradis se trouve à une distance de 70 ans. Et Abu Bakra, nous rapportait un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui tue quelqu'un avec qui on a un engagement sans droit, Allah subhanahu wa ta'ala, fait illicite pour lui le paradis. Et ceci est rapporté par Abu Daoud et par Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Et Nasa'i a rajouté, il ne sentira pas l'odeur du paradis. ومعناه في غير كنه أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له قال المنذري في الترغيب والترهيب وقال ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظ من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائح الجنة وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام قال الألباني صحيح لغيره il y a aussi une autre expression rapporte chez Récil dit celui qui tue une âme avec lequel on a un engagement hein? Une âme d'un non-musulman avec lequel il y a un engagement sans droit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il a tué sans cause juste, sans cause légiférée, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et que l'odeur du paradis se trouve de la distance à une distance de 100 ans. Et ceci, l'Albani a dit pour ce hadith qui est rapporté par Ibn Hibban, il est authentique. Sahih li ghayri. Wa amma qatl al mu'ahad khata. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الدية والكفارة قال الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Et quand au fait de tuer quelqu'un qui est rentré dans un pays de l'islam avec un engagement par erreur, Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire qu'il y ait une compensation, qu'il y ait le prix du sang et une compensation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette traduction approximative du sens, s'il fait partie d'un peuple avec lequel vous êtes lié par un pacte, on verse alors à sa famille le prix du sang. Et qu'on a franchi un esclave, croyons, celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Et pour vous le rappeler encore, la même chose, nous, on n'est pas du mu'ahad, on est du musulman, on ne peut pas être mu'ahad. Hein? Mais nos gouverneurs ont des conventions avec les pays dans lesquels on se retrouve, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs. Donc nous n'avons pas le droit de nous exploser, d'exploser les innocents non-croyants avec nous. Nous n'avons pas le droit, il est interdit. Parce que ça amène, ça dénigre l'islam, ça noircit encore plus l'image de l'islam, et ça fait aussi que nous dénigrons les conventions qu'ont le gouverneur avec ce genre de pays. Wa yaqulu al-shaykh, hafidhahu Allah, wa aqulu fil khitam, ittaqullaha ayyuha al-shabab fi anfusikum, la takunu farisatan lish-shaytan, yujma' lakum bayna khizyi ad-dunya wa 'adab al-akhirah. واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة الشيخ en conclusion il dit préservez les droits de Allah Azza wa Jal aux jeunes préservez les droits de Allah Azza wa Jal en vous-même et ne soyez pas la proie d'Ir Shaitan, et que ne réunissez pas pour vous, ne devenez pas la proie d'Ir Shaitan, et que après, qu'est-ce qu'il va en déconner? C'est qu'il va vous être réunis, et le malheur dans ce bas monde, et le grand châtiment dans le delà, et le châtiment dans le delà. Hein? Préservez les droits d'Allah, Azza wa Jal, on les vieux, pour les personnes âgées. Préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour les jeunes, préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour les musulmans, pour les mères, pour les sœurs, pour les tantes, pour etc. Préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour les vieux, préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour les nourrissons, pour les fœtus, préservez les droits d'Allah Azza wa Jal pour les sangs qui sont protégés par Allah Azza wa Jal et pour l'argent qui est illicite. Préservez-vous de tout ça. Et préserver les droits d'Allah Azza wa Jal. Nous ajoutons aussi, nous devons préserver les droits d'Allah Azza wa Jal pour nos frères et sœurs ici. Que ne soyons pas la cause pour qu'ils soient traumatisés. Hein? Regardez combien de mal, je le répète encore une fois, je l'ai dit hier, je vais le répéter encore une fois, combien de mal se fait avec ceux qui s'exposent dans un métro, ou là qui font n'importe quoi, ou là, etc. Regardez, hein? Après il y a des persécutions. perquisition chez des personnes qui sont innocentes. Va, il y a des sœurs qui sont traumatisées. Il y a des enfants qui sont traumatisés. En voyant que les livres, ils partent. Hein, en l'air, les cassettes sont jetées, beaucoup de choses. Hein. Et la pudeur et l'intimité de la famille est violée. Hein. Vous voyez jusqu'où ça va. Cet acte-là hein, fait du mal à la communauté. Il fait partie des règles de l'islam. C'est de repousser le mal et de ramener le bien. Et ce genre d'acte, ce genre d'attentat, le fait de poser des membres, même dans des pays qui ne sont pas musulmans, ceci ramène un grand mal à la communauté. Il ramène un grand mal à l'islam aussi. Il dénigre, il noircit l'image de l'islam. Il faut qu'on se réveille. Il faut pas qu'on se fasse avoir par les beaux parleurs et par ceux qui ont embelli ces genres d'actes et qui disent que ça, ce sont des actes de bravure ou là des actes, hein, qui sont considérés comme, si on y meurt comme martyr. Par Allah, Allah, on n'y mourra pas comme martyr. Hein. Et, cher de nous citer des versets. Il dit, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Préservez-vous du feu, dont le combustible, ce sont les gens et la pierre. Et il dit aussi, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et préservez-vous d'un jour où vous allez revenir vers Allah. Et dans ces cas-là, chaque âme, chaque personne, lui sera rendu ce qu'il a fait. Il sera récompensé ou châtié selon ce qu'il a fait. Hein? Et il n'y aura pas d'injustice qui sera commis entre eux, qui que ce soit ce jour-là. Hein? ويقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Nous cite aussi un autre verset qui dit, hein, dans le sens et la traduction du sens est approximative tout simplement, le jour où chacun trouvera ses actes qu'il a devancés. Il y a du bien qu'il a devancé, il va le trouver. Du mal qu'il a devancé, il l'aura trouvé. Et il aurait aimé d'avoir une grande distance entre ce qu'il a fait. De n'avoir même pas fait tout ça. Et que ce qu'il a fait soit loin de lui. Mais à quoi ça sert dans ces cas-là? Si le jour de la rétribution, il n'y a plus à revenir en arrière. C'est ici qu'on doit réfléchir. Ce n'est pas une fois arrivé là-bas. Le jour où l'être humain va se sauver de son frère. Le jour où l'être humain va se sauver de sa mère, le jour où l'être humain va se sauver de son père, le jour où l'être humain va se sauver de sa compagne, le jour de sa femme, le jour où l'être humain va se sauver de ses enfants, chacun pour soi là-bas. Chacun dit, moi, ma situation. Chacun a besoin de son œuvre. Personne ne peut quoi que ce soit pour qui que ce soit là-bas. Et nous devons répondre de tous nos actes. Tous nos actes, petits ou grands, nous devons y répondre. Et rappelez-vous les textes et les avertissements qu'il y a dans le fait de faire couler le sang des innocents ou la leçon des musulmans et des croyants. Regardez les avertissements qu'il y avait. يقول الشيخ حفظه الله أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض. Cheikh, il dit, réveillez-vous de votre insouciance, réveillez-vous et faites attention. Ne devenez pas la proie d'Yer Shaitan et ne devenez pas des gens qui font le mal sur terre. Et il dit en conclusion, As'alullah Azza wa Jal, an yufaqqih al-muslimina bidinihim wa an yahfadhahum min madallati al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa nabihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fayaqulu Sheikh Suhaimi, an intahayna min risalati matn Sheikh Abd al-Muhsin al-Abbad. On arrive à l'an et la ta'liqat Cheikh Suhaimi. Nous avons terminé maintenant le fascicule d'Yal, le texte du fascicule d'Yal Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, avec quelle raison, dans quelle religion, les attentats, les destructions sont un combat sur le sentier d'Allah. Réveillez-vous, jeunesse. Cheikh Salih Suhaimi, il dit pour tout ce passage que nous avons lu depuis, après la prière d'Yal Asr jusqu'à maintenant. Premier cours et maintenant dans le deuxième. Il dit ces paroles, هذا الكلام لا يحتاج الى تعليق. فيه وعيد شديد لمن قتل مسلما او قاتل معاهدا او قاتل نفسه باي شكل من اشكال القتل. وتعليق شيخنا ووصيته التي ختم بهذه الرسالة لا تحتاج إلى تعليق. فأفيقوا من نومكم وأوصوا الشباب بالإفاقة. الشيخ صالح السحيمي رحمه الله تعالى دي سي بارول كسيتي الشيخ نو با بيزوان دو كومونتير. Il y a un avertissement sévère dans ces paroles. Pour celui qui tue un musulman ou celui qui tue un non-musulman avec lequel on a des engagements et des conventions, celui qui se tue lui-même, avec n'importe quelle forme de, qu'il fasse n'importe quelle forme de suicide, ou qu'il le fasse en voulant se donner la mort. Et il dit le commentaire d'Al-Shir et le conseil que nous avait Shir avec lequel il a fait la conclusion de sa risala, n'a pas besoin de commentaires. Et il dit, réveillez-vous de votre sommeil et conseillez aux jeunes de se réveiller de leur sommeil. Et le Cheikh, حفظه الله, il dit, le Cheikh Suhaimi, amran muhimman yakhtumu bihi, حفظه الله تعالى. Et ici, Cheikh, il va nous faire une conclusion de tout. Et il va attirer notre attention sur des situations importantes, sur un sujet très important. Et il dit, وهنا يوضح لنا الشيخ سحيمي أمرا مهما يحتاجه كثير من الناس. يقول أن المسلم الذي يريد السلامة لدينه وعرضه وماله فعليه أن يسلك الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم, وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, فمن انحرف عن هذا الصراط يمنة أو يسرة ضاع بين فريقي الإفراط والتفريط أو التفريط. والواجب على المسلم أن يتفقه في دينه على طريق سلفه الصالح حتى يسلم من هذين الطريقين المتضادين, أعني طريق الإفراط والتفريط. ici شيخ سحيمي déclarer notre lointaine en conclusion à cette étude qu'il a fait et ses commentaires qu'il a fait à cette risala. Il attire notre attention sur des points essentiels et dont ont besoin les musulmans. Les musulmans ont besoin qu'on attire notre attention sur ces sujets-là et sur ces points essentiels. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et le musulman qui veut avoir la paix dans sa religion, qui veut avoir la paix pour son honneur, pour sa fortune et pour sa vie, il faut qu'il prenne la rectitude droite. La voie droite sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radhiyallahu anhum. Cette voie qui est la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et celui qui se détourne de cette voie droite, qui va à droite ou à gauche, il s'est perdu entre eux, les deux extrêmes. L'extrême de du laxisme et l'extrême, et l'autre extrême de l'extrémisme. Et c'est perdu entre ces deux-là. Soit il devient laxiste, soit il devient extrémiste. S'il sort de cette voie. Et il dit, il est obligatoire pour le musulman de comprendre sa religion. Selon la voie du puiseur, pour qu'il soit protégé de ces deux voies de l'extrême. Le laxisme et l'extrémisme. Ces deux voies qui sont elles-mêmes en contradiction. La voie de l'extrême et la voie du laxisme. Wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-shaykh wa rasuluna sallallahu alayhi wa sallam qad tarakana 'ala al-bayda'i laylaha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik wa kana ashabuhu 'ala ra'sihim al-khulafa' ar-rashidun 'ala hadha al-manhaj al-qawim hatta ma idha dhaharat al-jama'at al-mukhtalifah al-mubtada'a wabtaghat al-huda min ghayri al-kitab was-sunnah ضاعوا وضاعوا وظلوا وظلوا وبعدوا عن صراط الله المستقيم. ولذلك يقول ربنا عز وجل مبينا أهمية لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عن ذلك يمنة أو يسرة, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et cher de nous dire, notre prophète alayhissalam nous a laissé sur une voie claire. La nuit de cette voie et son jour se ressemblent, ils sont clairs. C'est-à-dire que la voie du prophète alayhissalam, elle est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de ténèbres dedans, il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Il est droit et il est clair. Et celui qui divise cette voie, il cherche sa perte. Il va vers sa perte. Les compagnons du prophète, alayhi salam, radhiallahu alayhim, et à leur tête, les khalifs bien guidés, radhiallahu alayhim, ils étaient sur cette voie claire et sur cette voie droite. Jusqu'à ce qu'apparurent les groupes, les différents groupes, les groupes innovés, qui ont cherché la guider dans autre chose que le livre d'Allah, azza wa jal. Ils ont cherché la guider dans autre chose que la sunna du prophète, alayhi salam, et ils ont laissé de côté la voix de leur plus aïeux. Ils se sont perdus, ils ont perdu avec eux. Ils se sont égarés, et ils ont égaré avec eux. Ils se sont éloignés de la voie droite d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, des chers, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour nous éclairer sur cette voie, pour nous éclairer comme quoi il est important de se cramponner au groupe, des musulmans, le groupe de la vérité, et de ne pas sortir de la voie de ce groupe, ni à droite, ni à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Sheikh Hafidhahullah ta'ala nous cite ce verset que vous connaissez tous, dont le sens dit, et celui qui prend une autre voie que la voie du prophète alayhi salam, après avoir connu la guidée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. C'est ici le jama'a, c'est ici le groupe. Un autre chemin que le chemin des croyants. Et qui sont ces croyants, quand il est descendu ce verset, comme disent plus d'un des hommes de science, les compagnons du prophète, alayhi salam, et ceux qui suivent leur voie à la perfection, et qui prennent un autre chemin que le chemin des croyants, Allah, il va lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché l'alliance. Et sa demeure sera l'enfer, et quelle mauvaise demeure. Wa yaqul Umar ibn Abd al-Aziz, mubayyinan hadha al-ma'na, سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدى بها فهو مهتد ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها فمن طلب الهدى في غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هكذا أيها الإخوة يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. وأحب أن أبين هنا أمرين أو ثلاثة يقول الشيخ حفظه الله. الشيخ de nous citer une parole d'un de nos plus aïeux, رضي الله عنه. Il dit, عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله nous dit, pour nous éclairer ce sens, sur ce sens de ce verset. Il dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a tracé une voie. Et les gouverneurs après le prophète alayhi salam et à leur tête, les khalifs bien guidés et ses compagnons ont tracé la voie. Le fait de se cramponner à la voie du prophète alayhi salam et à la voie du khalif bien guidé, c'est prendre comme véridique la parole d'Allah azza wa jal, et c'est compléter son obéissance à Allah, et c'est une force dans la religion. Et c'est une force dans la religion. C'est-à-dire, ça donne de la force à ta religion. Celui qui cherche la suprématie dans cette voie-là, ben il sera le victorieux. Et celui qui cherche la guider dans cette voie-là, ben il sera celui qui est guidé. Il n'est pas permis à quelqu'un de la changer. Il n'est pas permis à quelqu'un d'aller voir autre chose, une autre chose qui est en divergence avec cette voie-là. Et celui qui cherche la guider dans autre chose que cette voie-là, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera le feu, et qu'il mauvaise demeure. Et Cheikh, il nous dit ici, ainsi frère, en Allah, ainsi dit le khalifa juste, Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, wa radiyallahu anhu. Il dit, j'aimerais attirer votre attention sur deux points ou trois points. الأمر الأول يقول الشيخ أريد أن أثير انتباهكم إلى أمرين أو ثلاثة. أولا نشأة الخوارج، ثانيا علامات المبتدعة أيا كانوا، ثالثا الرابطة بين الخوارج القدامى والخوارج المعاصرين. Cheikh, il dit, j'attire votre attention sur deux sujets ou trois. Premièrement, la naissance d'Al-Khawarij. Deuxièmement, les signes des innovateurs. N'importe qui. N'importe quelle sorte d'innovateur. Troisièmement, la liaison entre les anciens khawarij et les nouveaux, et les khawarij du monde moderne. فأما نشأة تلك الفئة الضالة المارقة الخوارج بدأت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذو الخويصر التميمي عندما قسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وقال له كلمة صعبة قالها لمن؟ لخير البرية لرسول رب العزة لخاتم الأنبياء والمرسلين ماذا قال له هذا؟ يا محمد اعدل فإنك لم تعدل بل قال له ما هو أعظم من هذا إنها قسمة ما أريد بها وجه الله فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحك ومن يعدن إن لم أعدن ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. Et pour ce qui est de la naissance de ce groupe égaré, de ce groupe des khawarij, de ce groupe de l'égarement, ils ont commencé à pousser à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Quand Dhul Khuwaysir al-Tamimi, au moment où le prophète alayhi salatu wassalam partageait le butin de Hunayn, il s'est levé, il a dit quelque chose de dur. Il l'a dit à qui? Au dernier des messagers alayhi salatu wassalam. À la plus noble des créatures d'Allah azza wa jal. Regardez leur fondateur, hada leur salaf comment il est. Avec qui il a commencé? Il a commencé avec le messager. Il a commencé avec celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le dernier message. Il a commencé avec celui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit la meilleure des descendances d'Adam alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, oh Muhammad, ce partage, il a pas été, c'est un partage qui n'est pas juste. Il lui a dit encore pire que ça. Il lui a dit pire que ça. Il lui a dit, ce partage n'a pas été voulu avec le visage d'Allah azza wa jal. Il a été voir dans le cœur du prophète ou quoi? Hein? Regardez jusqu'où. Ce partage n'a pas été voulu, n'a pas été fait pour Allah Azza wa Jal. Vous imaginez, atteindre, accuser le prophète alayhi salatu wassalam sur son intention. Hein? C'est ça que nous devons faire attention. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi, attention à toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si moi je ne suis pas juste, qui va l'être? Si vous me faites pas confiance, alors que celui qui est au-dessus de tout, qui est Allah Azza wa Jal, me fait confiance, et vous ne me faites pas confiance. Hein? Imaginez un petit peu. Hada c'est le pieux. Hada c'est leur prédécesseur al-Khawarij. Hein? C'est très dangereux. فلما أراد بعض الصحابة أن يبتش به قيل خالد وقيل عمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من دئبه أي من أشباهه أو من صلبه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته وعبادتكم إلى عبادته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد قال عليه الصلاة والسلام في بعض أوصافهم إنهم يخرجون ويخبؤون كل فترة حتى يخرج في عراضهم الدجال يعني يخرج من بينهم الدجال بينهم الدجال يخرج. Et donc certains compagnons voulaient tuer de l'Khouaïsira. Dit que c'est Khalid ibn al-Walid رضي الله عنه. Dit que c'est Omar ibn al-Khattab رضي الله تعالى. Mais le prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit laissez-le, ne le tuez pas. Il va sortir et voir des gens qui lui ressemblent. Ou là, il va sortir de la descendance de celui-là. Des gens, vous allez négliger votre prière devant leur prière. Vous allez négliger votre adoration devant leur adoration. Ils vont lire le Coran et le Coran ne dépasse pas leur langue, leur gorge. Ils ne comprennent pas. Ils vont sortir de la religion. Ici, yamrukuna min ad-din, les hommes de science ont deux explications là-dessus. Soit ils sortent de la désobéissance, hein, soit ils sortent carrément de la religion. Et les dix pieux aïeuls qui ont fait mes crayons, le khawarij. Parmi les pieux aïeuls, il y a le Qurtubi. Et parmi le contemporain, il y a Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Hein, et d'autres ne les sortent pas. Hein. Et donc, ils vont sortir comme sort, soit de l'obéissance, soit de la religion, comme sort, avec la rapidité avec laquelle sort la flèche de l'arc. Vous voyez? L'arc, quand tu tires, comment la flèche, il part? La même chose, Romain. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si je suis allé à leur époque, si je vais à leur époque, je vais les combattre et les tuer comme le combat qui a été fait à Aad. Et il a dit, alayhi sallatu salam, dans certains de, en donnant certaines de leurs descriptions, il a dit, ils sortent. Des fois, à certaines périodes, ils apparaissent. À certaines périodes, on n'entend pas parler d'eux. Ils sont écrasés. Et ça va continuer comme ça. Temps après temps, ils vont sortir, ils vont se cacher, ils vont sortir, ils vont être apparents. On va pas entendre parler d'eux. Des périodes, on va entendre pas. Comme à notre époque, on entend parler d'eux beaucoup. Et ils sont nombreux que là, subhanahu wa ta'ala, les anéantissent, hein. Jusqu'à ce que Djal, l'antichrist, sort parmi eux. وقال ايضا في اوصافهم انهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام سماهم التحليق يقولون من قول خير البريه يعني يقولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وقال في وصفهم كلاب اهل النار الى دي aussi dans leur description qu'ils sont jeunes et qu'ils pas beaucoup de raison hein l'une de leurs caractéristiques le rasage tout le temps, tout le temps. Il se rase la tête tout le temps. Il parle avec les paroles du prophète alayhi salatu salam. Il cite les paroles du prophète alayhi salatu salam. Ils sortent de la religion comme sort la flèche de l'arc. Hein? Et il a dit dans leur description, qui les a décrits ainsi? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les chiens des gens de l'enfer. Les chiens des gens de l'enfer. N'aie pas honte de le dire. C'est pas toi qui le dis, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. يعني الخوارج الذين يكفلون المسلمين ويستحلون دماءهم واموالهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب اهل النار. احفظوا هذا الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ. شر قتلى قتلاهم، شر قتلى تحت اديم السماء وخير قتيل من قتلوه وغير ذلك من الاوصاف التي جاءتنا عن المصطفى عليه الصلاه والسلام. Les khawarij hadou, ceux qui rendent mécréants les musulmans, et ceux qui font licite le sang des musulmans, et ils font licite la fortune du musulman et leurs biens, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens des gens de l'enfer. Et Cheikh, il nous dit, apprenez cette description, parce que c'est une description que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a faite. C'est une appellation que leur a donnée Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des morts, ce sont leurs morts. Et les pires morts sur le ciel, c'est leur mort. Et le meilleur des gens tués, les meilleurs des gens tués, ce sont ceux qu'ils ont tués, eux. Ce seront les meilleurs des gens qui sont tués. Ceux qu'eux ont tués. Et d'autres descriptions que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a fait, hein, de ces méchants et de ces monstres. Thumma inna sahabata عرفوا تلك الأوصاف وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم مضى عهد الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ولم تقم للقوارج قائمة حتى إذا ما جاء عثمان رضي الله عنه بدأت طلائعهم لا لنقص أو اختلال في عصر عثمان رضي الله عنه ولكن لأمر أراده الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه ولكي تتحقق الشهادة لعثمان ولعلي رضي الله عنهما على أيديهم التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعثمان فتألبوا من الأنصار بعد أن كتلت الفتوح واجتمع معهم الرعاع والجهلة والسفهاء وصغار السن فتألبوا على عثمان رضي الله عنه ونسبوا إليه أشياء هو بريء منها. Quant aux compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ils connaissaient ces descriptions qu'on a fait le prophète عليه الصلاة والسلام. Et après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام, il y a eu la période du calife Abu Bakr et du calife Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Et là, les Khawarij, ils étaient polygones en arrière. On n'entendait pas parler d'eux. Ils n'ont pas apparu. ils n'ont pas apparu. Et quand est arrivé la khilafa de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, pour quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, pour une situation que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, pour que périsse celui qui périsse avec clarté, et que vive celui qui vive avec clarté, et pour que s'accomplisse le martyr pour Uthman radiyallahu anhu et pour Ali radiyallahu anhu, sur les mains de ces khawarij, ce martyr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à Uthman radiyallahu anhu. À ce moment-là, ils ont été trouvés des alliés. Quand là, la contrée de l'islam s'est agrandie avec les conquêtes. Mais ils n'ont pas réuni les gens à Médine et à Mecca, ils sont allés loin. Pour recruter, ils sont allés loin. Le nord de l'Arabie, l'Égypte, l'Irak, ils sont allés par là pour recruter. Hein? Et beaucoup d'insensés et d'ignorants et de ceux qui n'ont pas de compréhension, et beaucoup de jeunes, hein, se sont réunis entre eux, ils se sont levés, et ils ont installé la haine dans leur cœur contre Uthman. Et ils ont attribué à Uthman des choses duquel il est innocent, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pour pouvoir recruter tout ce monde, tous ces jeunes, à travers l'Égypte, à travers avoir des alliés au nord de l'Arabie et en Irak, il fallait bien qu'ils trouvent des causes et des choses. Donc ils attribuent à des choses à Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Uthman, on est innocent comme on est, comme est innocent le loup du sang de Yusuf alayhi salatu wassalam. ومن هو عثمان رضي الله عنه هو ذو النورين هو مجهز جيش العسرة الذي تستحي منه الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر أنه يموت شهيدا وبشره بالجنة على فتنة تصيبه. كي سي عثمان بن عفان رضي الله تعالى سي لوم دو لوميير ذو النورين. Le mari des deux filles du prophète alayhi salam, il s'est marié avec le premier, une fois qu'il est mort, il s'est marié avec la deuxième fille du prophète alayhi salam. Les anges sont pudiques devant Uthman alayhi salam, radiyallahu ta'ala anhu warda. Qui nous a annoncé ceci? Parce qu'il fait partie de l'invisible. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le malaïka tastahi min Uthman. Le malaïka est pudique devant Uthman radiyallahu ta'ala anhu warda. Hein? Et une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Aïcha lui a posé une question, et il lui a dit, est-ce que je ne veux pas être pudique devant quelqu'un? Les anges sont pudiques devant lui, en parlant de Uthman, radiyallahu ta'ala. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que Uthman allait mourir, martyr, et il lui a annoncé le paradis. Il allait mourir, martyr, dans une perturbation qui va lui arriver. C'est là avec le Khawarij. Donc ce qu'a annoncé le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé. Et ceci Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour la hikmah que veut Allah azza wa jal. Et pour s'accomplisse le destin d'Allah azza wa jal. Le muhim, يقول الشيخ حفظه الله أن هؤلاء تجمعوا وجمعوا الأباطيل التي أقنعوا بها أنفسهم ولم يرجعوا في هذه القضية وفي هذه النقطة. انتبهوا جيدا إلى ما يقول الشيخ. لم يرجعوا إلى الصحابة ولا إلى علماء الأمة الكبار من كبار التابعين في ذلك الوقت، بل صاروا يفتون أنفسهم، يفتي بعضهم بعضا، حتى استطاعوا الوصول إلى المدينة وحاصروها، ثم حاصروا عثمان رضي الله عنه، وعثمان لم يأذن لحد أن يقتل دونه، مع أن الحسن والحسين رضي الله عنهما قاتلا ودافعا عن عثمان رضي الله عنه. فأقول انظر فعل من أوقد الفتنة في الجزائر، من أفتاه؟ العلماء أفتوهم؟ لا والله، العلماء براء منهم، وكلام العلماء قبل فتنة الجزائر ضد ما فعله في الجزائر، ما أشبه ليلة بالبارحة. Chéri nous dit, ils se sont réunis ils ont réuni tout ce qu'il faut, des accusations fausses, pour se convaincre eux-mêmes et convaincre ceux qu'ils recrutent. Et ils ne sont pas revenus pour ce point essentiel aux compagnons du prophète, alayhi salam. Ils sont pas revenus aux compagnons du prophète, alayhi salam, qui sont les savants de la communauté par excellence. Ils ne sont pas revenus aussi aux grands successeurs des compagnons du prophète, alayhi salam, parmi leurs savants. À cette époque, ils y sont pas revenus. Ils se sont pas retournés pour eux, pour leur demander leur avis. Hein? Mais ils se sont fait des verdicts eux-mêmes. Et les uns les autres se font des verdicts entre eux. Et ils ont pu arriver jusqu'à Médine et encercler Médine. Et encercler Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Uthman n'a permis à personne de le défendre. Mais Al-Hassan ou Al-Hussein ont défendu Uthman radiallahu ta'ala. N'ouvre une parenthèse, regarde maintenant. Qu'est-ce qui a allumé le feu dans le problème algérien? Qui leur a donné le verdict? Est-ce que c'est les savants par Allah? Les savants, que ce soit Ibn Baz, Uthaymin, Al-Albani, et les grands savants de la communauté sont innocents. Disent à vous ce qui s'est passé en Algérie. Et qui leur a donné le verdict? Leurs jeunes. Leurs jeunes qui vivaient à Londres. Hein? Qui leur a donné? Les perturbateurs de l'esprit des jeunes maintenant. Qui leur a donné? Quant aux grands savants, ils sont innocents. Et ils ont averti la communauté algérienne et autres de se révolter contre le gouverneur ou là de prendre les armes, etc. Combien ressemble cette soirée à hier? Clac. Alors la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, la voix compris et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une mise, une application de l'islam comme il doit être. Et chaque fois que tu les lis, il faut que tu les plaques, tu regardes les situations. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, tu vas lui trouver une ressemblance dans la vie du Tupuizel. Le claque-les, tu regardes. Comment ils étaient dedans? Hein? Est-ce que les compagnons, ils étaient avec ceux qui ont tué Uthman? Hacha wa kalla. Jamais de la vie. Mais ils étaient avec eux, les jeunes insensés, les gens qui n'ont pas de science, les jeunes qui suivent leur passion, qui se font des verdicts tout même. Regarde les marginaux maintenant parmi les jeunes. À qui? Ils ont des rapports avec les savants, non? Mais mes gars, quand ils ont des rapports avec les savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent comme eux, ils veulent. Ils tordent le cou au texte. Ils le tournent comme eux, ils veulent. Comme ça les arrange. Hein? وصل الأوغاد إلى عثمان وكان صائما وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رضي الله عنه وأرضاه وقال له أفطر عندنا يا عثمان أفطر عندنا يا عثمان وهذه بشرى عاجلة له رضي الله عنه فبدأوا يضربونه ويطعنونه ويمسكون بلحيته ووقع دمه كما ذكر كثير من أهل السير على قول الله عز وجل وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Et ces monstres sont arrivés à Uthman. Il était en jeûne. Il avait vu dans son rêve que le prophète, alayhi salam, lui a dit, rompe ton jeûne chez nous, Uthman, aujourd'hui. Rompe ton jeûne chez nous, Uthman. Et ça, disent les hommes de science, c'est une bonne nouvelle à Uthman. C'est une bonne nouvelle à Uthman. Radiallahu anhu. Et quand ils ont commencé à le frapper, à le poignarder, radiallahu ta'ala, et à le tirer de sa barbe, ridwanullahi alayh. Et, comme nous le rapportent beaucoup d'hommes, les biographes, rahimahumullah, il était en train de lire le Coran, et son sang a coulé sur la parole d'Allah, azza wa jal, sur le mushaf, wa sayakfikahumullahu azza wa Allahu wa sami'u al-ajil, c'est-à-dire qu'Allah va s'occuper d'eux. Hein? Allah va s'occuper d'eux, va les châtier comme il se doit, va leur donner ce qu'ils méritent. ثم صعد انظر انظر الى سلاف هؤلاء انظر الى همجية هؤلاء انظر الى وحشية هؤلاء ثم صعد احدهم فهؤلاء لا يوجد اشقى منهم والعياذ بالله. صعد أحدهم على رأس عثمان وهو يقول ما رأيت طريقا وشهادة وطريقا إلى الجنة مثل هذا اليوم. Regardez la monstruosité de ces gens. Regardez ces apaches, ces barbares, comment ils sont. Ces khawarij, ce sont les pires criminels de la terre. Celui, un parmi eux, il est monté sur la tête de Uthman. Et il tapait dessus. Je n'ai pas vu un chemin du paradis comme aujourd'hui. Je n'ai pas vu un chemin du paradis comme aujourd'hui. J'ai pas vu le chemin du martyr. Il y a un chemin pour le paradis comme aujourd'hui, il disait. Regarde. Le compagnon du prophète, le troisième khalif de la communauté, le compagnon du prophète, alayhi salatu salam, celui, hein, le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec lui sur la montagne de Uhud, il lui a dit, et Uhud a bougé, il lui a dit, stop Uhud, calme-toi. C'est sur toi qu'un prophète, un véridique, et deux martyrs. Les deux martyrs qui c'était? Omar ibn Khattab, radiyallahu an, et Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Et regarde, Aoula, il qzam. Regarde, ces minus, qu'est-ce qu'ils ont fait? رأيتم وربنا يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et notre Seigneur nous dit dans cette traduction approximative du verset, dites, est-ce que vous voulez que je vous annonce les mauvais, les perdants plutôt, dans leurs actes, ceux qui croient qu'ils font le bien dans ce bas monde et croient qu'ils sont dans le bien dans ce bas monde. Hada, c'est des perdants. Au moins, ils croient qu'ils sont dans le bien. Hada, c'est leur prédécesseur à ces monstres d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut qu'ils te donnent, hein, quand ils sont nourris avec les scènes de celui qui danse et qui saute sur la tête de Uthman, de Affan. Qu'est-ce qu'il veut qu'il en découle de ça? Des monstres. Ils vont en découler des monstres, hein. Thumma khaba'u qalilan. ثم قاموا الفتنة على علي رضي الله عنه وحصل ما حصل من فتنة صفين والجمل. Ils se sont cachés à un moment donné. Ils se sont calmés. Et après, ils ont rallumé la fitna à l'époque de Ali رضي الله تعالى عنه. Et il est arrivé ce qui est arrivé pendant la bataille de Safin ou la bataille de Jamal. وإنشاءالله عندما آخذ الضوء الأخضر من بعض المشايخ أتدارس وإياكم هذه الحقبة من التاريخ. فكثير من الشبهات تدخل علينا من هذه الناحية نحن البعيدين في هذه الديار عن العلماء. Et quand, inshallah, j'aurai le feu vert d'un des chouyoukh, on va étudier ensemble cette période de l'histoire. Par beaucoup d'ambiguïté, nous arrive par cette période-là. Hein? Nous, qui sommes loin des savants, et qui vivons dans les pays qui ne sont pas musulmans, beaucoup d'ambiguïté nous arrive de cette voie-là. Et certains viennent les injecter dans les jeunes de la communauté ici par cette voie-là. ولما انتهت وكاد الامر ان يستقر لعلي خرج عليه الخوارج وكانوا قد كفروه وكفروا معاويه وعمر بن العاص وعثمان وغيرهم رضوان الله على صحابه رسول الله وهؤلاء الاقزام يكفرونهم كفروا كل من يخالفهم واغاروا على بلاد المسلمين واستباح الدماء والأموال بدعوى أن الناس كلهم كفار. Et quand les batailles se sont terminées entre Ali et Muawiya, les Khawarij sont sortis pour réallumer le feu. Ils ont rendu mécréant Muawiya. Ils ont décrété la mécréance de Muawiya radiyallahu anhu. Ils ont décrété la mécréance de Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Ils ont décrété la mécréance de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont décrété la mécréance de tous ceux qui sont en divergence avec eux. Ils ont attaqué les pays de l'islam. Ils ont fait licite le sang de la communauté de l'islam. Ils ont fait licite les biens de la communauté de l'islam. En prétendant que tous les gens sont devenus mécréants. Et par Allah, ceux qui agissent ainsi et qui mettent des bombes, ou là qui tue les innocents dans le pays de l'islam et partout. Avec quoi? Comment? Parce qu'ils les prennent. Ils ont cette croyance que c'est des mécréants. واستمروا على هذه الحال حتى أن من حوادثهم أنهم جاءوا أسمع إلى هذا. والله هذه ما تدري سبحان الله. ألهم قلوب؟ ألهم عقول؟ ألهم إحساس؟ Écoute celle-là. Je ne sais pas s'ils ont des cœurs. S'ils ont des sentiments. Et واستمروا على هذه الحال حتى أن من حوادثهم أنهم جاءوا إلى ابن خباب ابن الأرط ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذنبه الوحيد أنه من أنصار علي، فقتلوه ومثلوا به وبقروا بطن امرأته، ومن توهمهم أن الجنين ربما يبقى حيا فدكوا الجنين وذبحوه بعد أن أخرجوه من بطن أمه العياذ بالله. هؤلاء هم سلف التكفيريين في هذا الزمان، هؤلاء سلفهم، على مائدة هؤلاء يتغدون وعلى أفعال هؤلاء يتعشون. Ils ont continué sur cette situation. Et il nous est arrivé dans les annales de l'histoire l'un des événements horribles. L'un des événements horribles. Ils sont arrivés à Ibn Khabbab, Ibn al-Arat, le fils du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Khabbab Ibn al-Arat. Son seul défaut miskin, rahimahullah, c'est qu'il était un des alliés de Ali radiallahu anhu. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, ils l'ont défiguré, ils ont tué sa femme, ils ont ouvert le ventre de sa femme, et par peur que le fœtus qu'il y a dans le ventre de sa femme ne soit pas mort, il croit ça, qu'il ne soit pas mort, ils l'ont égorgé aussi. Ça, ce sont les prédécesseurs d'Al-Khawarij. C'est sur ces événements-là, c'est dans ces événements-là que se nourrissent le Khawarij. C'est sur, le repas du midi, il est sur ces histoires. Et le repas du soir, il est sur ces histoires. Qu'est-ce que vous voulez? Quel bien vous voulez qu'il en sorte? Sinon, amenez la communauté au sang et tuez les innocents. C'est pas s'ils sont, ils ont des cœurs, là, ils ont des sentiments. Ça, ce sont les prédécesseurs de ceux qui ont tué les enfants en Algérie. Et les femmes et les vieillards. فلا تستغربوا. Et ce sont les prédécesseurs de ceux, qui s'explosent. Que ce soit dans les pays de l'islam ou là ailleurs. فلا تستغربوا ما يحدث من كلاب أهل النار والسفهاء. فبعد هذا الحديث، هذا الحدث بقليل يمرون على بستان رجل نصراني. أهدى إليهم النصراني رطبا من البستان فقالوا له والله لا يحل لنا أن نأخذه إلا بثمنه. ما شاء الله، ثمن الرطبات أصعب من دم عبد الله بن خباب ومرأته وجنينها. ثمن الرطبات أسهل، أخطر عليهم من دم عبد الله بن خباب ومرأته وجنينها. سبحان الله. Et ne soyez pas étonnés. Jusqu'au fond, c'est chiens des gens de l'enfer. Ne soyez pas étonnés. Ces insensés, ne soyez pas étonnés de leurs actes. Après cet événement, juste un laps de temps de près, ils passent par un jardin d'un chrétien, et le chrétien, il leur offre des dattes fraîches. Ils lui disent, écoutez ça. Ils lui disent, non, nous ne pouvons pas prendre ces dates, il faut qu'on les paye. Subhanallah. Il ne nous est pas permis, c'est pas halal. C'est illicite de les prendre, subhanallah. Ce n'est pas halal de prendre des dates qu'on vous offre, alors que c'est halal de tuer Abdullah ibn Khabbab, de tuer sa femme et de dégorger le fœtus qu'il y a dans le ventre de sa femme. Est-ce qu'on a dit qu'ils ont des raisons? Est-ce qu'ils ont des raisons? Tu es un homme qui est l'un des fils d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il était tout simplement l'allié de Ali radiyallahu ta'ala anhu warda. Tuer sa femme, et éventrer son ventre, et sortir le fœtus, et l'égorger, c'est rien pour eux. Mais, un chrétien leur offre des dates, ils disent, il faut qu'on les paye. Subhanallah. Hada, c'est leur prédécesseur. Vous sachez. Soyez pas étonnés des erreurs qu'ils font, que ce soit ici ou là ailleurs, et quand ils parlent, quand ils les entendent parler. C'est normal, ils sont honorés par ce genre d'événement. Le paradis, pour eux, il est suspendu à ce genre de scène horrible. فَقَالَ لَهُمُ النَّصْرَانِ. Écoutez maintenant ce que leur dit le chrétien. فَقَالَ لَهُمُ النَّصْرَانِ عَجَبًا لَكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمِ قبل قليل فعلتم ما فعلتم والآن تستحرمون أخذ ثمن الرطب إن هذا لشيء عجاب. هو دي الكريتيان سكي لوغا دي. سيتوم كريتيان سكي لوغا دي. هذا دي إكستراوردينير فوتخو سيتياسيون. Vous avez fait ce que vous venez de faire et vous ne voulez pas prendre les dates fraîches sans les payer. Votre situation est extraordinaire. Vous venez de tuer et faire ce que vous avez fait comme horreur. On ne prend pas les dates sans les payer. Subhanallah. بل أكثر من هذا. يسأل بعضهم بعضا عن حكم قتل البعوض. قتل البعوض يتورعون منه. وقتل علي بن أبي طالب قربة إلى الله. سبحان الله. Pire que ça. Les uns se posent la question aux autres. Ils l'ont même posé à un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام sur le fait d'utiliser des puces. Il y a une petite puce. Ce qui te nuise, ils te piquent. Ils sont très petits. Il pose des questions sur le fait de les tuer. Est-ce que c'est licite ou pas? Et ils s'abstiennent de tuer des puces. Ils font licite le son de Ali radiallahu ta'ala anhu arda et le son du compagnon radiallahu alayhi. Le son du puce est plus cher pour eux que le son du compagnon du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Hada c'est les prédécesseurs ya akhi. Hada ce sont les prédécesseurs d'elle. التكفيريون والتفجيريون والتدميريون هذا سي لو بريديسيسور tu fais attention frère en Allah azza wa jall qui tu fréquentes avec qui tu parles chez qui tu prends ta religion bon, il faut pas que ton cœur soit comme une éponge tout ce qui passe il aspire il faut que ton cœur il soit une glace qui reflète il faut filtrer il faut savoir ce que tu fais. C'est une religion. Il en va de l'agrément de l'Azawajal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il en va que par tes actes, tu peux ramener une catastrophe à la communauté de l'islam. Il en va que par tes actes, tu peux être un blocage. Hein? Contre le fait que des gens adhèrent à l'islam. Il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'il veut guider, il le guide malgré tout. Mais, il t'est demandé de ne pas être une mauvaise image de l'islam, de ne pas donner une mauvaise image de l'islam. Et de ne pas faire ce que l'islam t'a pas ordonné de faire. رأيت من الخوارج كلاب أهل النار قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله فعلوا ما فعلوا ثم اتفقوا اتفقوا على رأسهم أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم وكان من خبره أنه كان من الزهاد والعباد يصومون النهار ويقومون الليل ومن حفظة القرآن أرسله عمر رضي الله عنه إلى مصر يقرأ الناس القرآن ثم قام مع من قام على عثمان ثم اتفق هؤلاء وثلاثة معه على أن يقتلوا علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. Vous avez vu ces khawarij, vous avez vu ces chiens, des gens de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie, comme il se doit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les jeunes de leur esprit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et après, ils se sont mis d'accord. Et à leur tête, le pire parmi eux, Abdurrahman ibn Muljam, alayhi min Allahi ma yastahiq, et jamais ne mettez un i en bas du j, c'est toujours ibn Muljam, parce qu'il y a un autre, hein? Hada le pire. Ibn Muljam avec le G, avec un A sur le G. Et la situation de celui-là, il est faisait parmi l'Ubbad, beaucoup d'adoration. Il y en a 7. Il jeûnait la journée, il faisait des prières de nuit. Hein? Rasoul Allah, il nous a dit comment il faisait, il nous a décrit. Et il était parmi ceux qui ont mémorisé le Coran, qui disaient le Coran, à tel point qu'Omar ibn Khattab l'a envoyé pour enseigner le Coran aux gens de l'Égypte. Et il est tombé d'accord, lui et 3 autres avec lui, pour tuer Ali ibn Abi Talib, Amr ibn al-As, et Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhum. Radiyallahu an Muawiyah, wa an Ami Abi Sufyan, raghima anfu al-takfiriyin, wa arfu al-qutbiyin. Radiyallahu anhum. Il s'écrase dans le sang, sur le sol et dans la terre, hein, ces Qutbites ici, tkfiriyin, qui rendent mécréants Aba Soufyan, ridwanullahi alayh, et Muawiya, ridwanullahi alayh. Muawiya est l'oncle des croyants, sa sœur est la femme du prophète, donc la mère des croyantes. Et un des scribes du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait confiance pour la parole d'Allah. Transcrire la parole d'Allah. Il dit, viens, toi, tu dis, c'est un mécréant. Aïe, d'Allah. L'aql maquette. Khaoui. L'homme, il est, quand tu le vois dans la rue, Masha'Allah, si tu le prends, tu lui donnes le grade de commandant. Mais quand tu parles avec lui, hein, comme dit le dicton arabe, du corps de mulet, mais des cervelles de moineau. Uqo ajsamul biral wa jusu wa ajsadu wa uqulul asafir. Allah la yadhan billah. Amma qatilu Muawiya, falam yusib maqtalan, fasalima radiyallahu anhu wa ardah. يجمع الله عليه الأمة بعد ذلك. وأما عمرو بن العاص فكان مريضا ولم يحضر لصلاة الفجر وناب رجلا يقال له خارجة، فجاء ذلك الخارجي الذي وكل بقتل عمرو بن العاص وقتل خارجة رحمه الله. ومنها المثل أردت عمرا وأراد الله خارجة. Quand à l'assassin de Muawiya, celui qui a été désigné pour assassiner Muawiya, il n'a pas trouvé Muawiya. Hein? Ce jour, Muawiya, il n'est pas venu pour une raison, peu importe la raison, hein? Il n'est pas venu à la prière d'Al Fajr. Hein? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala réunit la communauté autour de Muawiya après. Il n'a pas été assassiné cette nuit-là pour que Allah subhanahu wa ta'ala réunit cette communauté autour de Muawiya radiallahu ta'ala. Quant à Amr ibn al-As, il était malade. Il n'est pas venu pour faire Salat al-Fajr dans la mosquée, où il était l'imam de Salat al-Fajr. Hein? Et il s'est fait remplacer par un homme qui s'appelle Kharija. C'est pas un Khariji, son nom il s'appelle Kharija. Et ce Khariji qu'on a désigné pour tuer Amr ibn al-As, il est venu. Et il a poignardé Kharija, rahimahullah. D'où le dicton arabe qui dit, je voulais Amr, et Allah a voulu Kharija. Je voulais tuer Amr ibn al-As, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit Kharija, qui soit tué ce matin. Aradtu Amran, wa arad Allahu Kharija. Wa amma ashqahum, faqad ja'a ila khalifati rasulillah. وابن عمه وختنه ومن نام في فراشه ليلة الهجرة ومن بشره بالجنة ومن قال عنه أنه يحب الله ورسوله. فجاء هذا اللعين وضرب عليا عدة ضربات بخنجر مسمومة وسقط علي شهيدا. وقال الشقي الآخر عمر بن حطان مادحا قاتل علي رضي الله عن علي، يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا. نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. الله المستعان. كنت pire parmi ceux-là. Il est venu celui qui a été désigné pour tuer qui est Abdurrahman ibn Muljam, pour tuer le calife des croyants. Ali, radiyallahu anhu. Le fils de l'oncle du prophète, alayhi salam. Le gendre du prophète, alayhi salam. Celui qui s'est couché dans le lit du prophète, alayhi salam, la nuit de l'émigration. La nuit où le prophète allait quitter la Mecque pour Médine. Celui à qui le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé le paradis. Celui duquel Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ali, aime Allah et son prophète. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a attesté, comme quoi il aimait Allah et il aimait son messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ce maudit, qui est Abdurrahman ibn Muljam, est venu, il l'a poignardé plusieurs coups. Avec un poignard immaculé de poison. Avec un poignard immaculé de poison. Et ça, c'était l'habitude. C'est une pratique ancienne chez le Khawarij. Ali, radiyallahu ta'ala, est tombé martyr. Ridwanullahi alayhi. L'autre, pire que lui, Amr ibn Hittan, il dit dans une poésie, faisons l'éloge de celui qui a tué Ali, radiyallahu anhu. On voit que le Khawarij, là, dans leur égarement, tout est bon. Ils sont dans le bien. Ils sont les meilleurs. Regardez ce qu'il dit. Cette frappe est venue d'un pieu qui a voulu avec cette frappe d'atteindre un degré supérieur chez Allah et un pardon chez Allah. Quand je me rappelle de lui, je pense qu'il est la meilleure et la plus complète des créatures d'Allah, Azzawajal, auprès d'Allah. La plus complète créature, le plus complet humain chez Allah, Azzawajal, Hayden Billah. Le tueur et l'assassin de Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Le troisième khalif, le quatrième khalif de la communauté. C'est la personne, l'humain le plus complet et le plus dévoué pour Allah. Subhanallah. Où sont leurs raisons? Où sont leurs cœurs? الذي قتل عليا يعتقده عمران بن حطان الخارج أوفى البرية قاتلهم الله أن يوفكون ثم لما أرادوا يسمعوا لهذا الشقاوة التعاسة والضلال والجهل والوحشية ثم لما أرادوا أن يقدموا عبد الرحمن بن ملجم للقصاص قال لهم لا تقتلوني مرة واحدة لكن ابدأوا بأصابعي وأطرافي فقطعوني إربا إربا حتى أرى أطرافي تتساقط في سبيل الله أرأيتم فعل هذا الشقي وما زال يعتقد أنه يتقرب بذلك إلى الله هذه cette scène. La scène de Ali, l'autre dans sa poésie il le prend comme l'humain le plus complet, le plus dévoué. Est-ce qu'ils vont cela? Avec quelle raison? Il raisonne, hello. Et quand on a voulu amener Abdurrahman ibn Muljam à la sentence pour qu'il soit tué, écoutez ce qu'il a dit. Ne me tuez pas une seule fois. Coupez mes doigts. Hein? Coupez mes membres, membre après membre, morceau après morceau, pour que je vois mes morceaux tomber sur le sentier d'Allah. Regardez. Ce monstre, qu'est-ce qu'il veut? Il croit qu'en ayant tué Ali, il a fait une bonne œuvre, et que son acte le rapproche d'Allah, Azzawajal. Il veut que, quand la sentence va être accomplie contre lui, la sentence du talion va être accomplie contre lui, qu'on le coupe morceau après morceau, phalange après phalange, pièce après pièce. Regardez. Est-ce qu'ils ont des raisons, Hadou? Et Hadou, ce sont les prédécesseurs d'Yal Khawarij, d'Yal Tkfiriyin. Hadou, c'est les prédécesseurs de ce qu'on appelle Qutbiyin. C'est les prédécesseurs d'Yal Sururiyin. C'est les prédécesseurs d'Yal Hijra ou Tkfir. C'est les prédécesseurs de... Gars, tous ceux qui rendent mécréants les musulmans parce qu'ils sont tombés dans un péché capital et qui rendent mécréants les gouverneurs de l'islam, des pays musulmans, etc. Ben, Hadas, c'est leur prédécesseur. Quel bien vous voulez qu'il vous vienne de cela? Quel bien? Il n'y a aucun bien qui peut en venir. Il n'y a que le sang. C'est des Dracula. C'est des vampires. ثم استمر هؤلاء الخوارج يظهرون عبر التاريخ إلى يومنا هذا وكلما ظهروا قضى عليهم أئمة الإسلام عبر التاريخ وفي هذا العصر وقبل 50 عاما بدأت بذرتهم بالتهييج والخطب والحماس زعما منهم الغيرة على الدين والقرآن لا يجاوز حناجرهم وألفت الكتب التي تهيج وتكفر الناس. Et la situation de ces Khawarij a continué. Des fois, ils apparaissent, des fois, ils disparaissent. À travers l'histoire, jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils apparaissent, les imams de l'islam les anéantissent. À travers les siècles de l'histoire. Et à notre époque, il y a à peu près 50 ans, leur germe a commencé à pousser en excitant les gens par des textes, par des khotabs, en alimentant la haine des gens contre les gouverneurs et en faisant apparaître comme quoi les musulmans c'est des mécréants. Et ceci parce qu'il fournait que c'est un mécréant. Il est tombé dans Zina, c'est un mécréant. Et c'est un mécréant, etc. Quelle est la mécréance à chaque péché capital? Il y a des livres qui ont été écrits. Et il y a des leaders qui ont apparu. Et beaucoup parmi eux, le Coran ne dépasse pas leur gorge. Beaucoup de livres ont été faits pour exciter les gens. Et pour exciter les jeunes, et pour rendre mécréants les gens. C'est le parti du monde. Wa kuntu fi sighar. On va arrêter là, inshallah, parce que si on va arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan. On continue la fin de ces paroles d'El Cheikh Souhaimi. Après salat, inshallah, on va revenir directement comme ça on puisse terminer avant le cours d'El Cheikh. Parce que je voudrais terminer ces paroles d'El Cheikh Souhaimi avant le cours d'El Cheikh Al-Utaybi hafidhahullah.